Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 23. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 12 février 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es au-delà du périph', tu es gros pavillon à Versailles, tu es cité HLM à Sarcelles, tu es graffiti sur les murs, tu es zone commerciale et tu es aussi... Des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. C'est des zones où l'éducation a la priorité, normalement. Mais ben non, ils nous l'ont grillé la priorité, sa mère. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es banlieue, tu es toutes les banlieues. Aujourd'hui, ce sont 20 millions de Français qui vivent dans l'ombre des grandes villes. C'est énorme, mais depuis quelques années, de Lyon à Paris et de Strasbourg à Marseille, les banlieues attirent de moins en moins les nouveaux résidents. C'est bizarre, non? Alors 3 mois après le début des émeutes incendiaires dans les quartiers populaires, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin d'installer sa caravane au cœur de tes banlieues. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de tes banlieues. Pour commencer et pour mieux comprendre, il faut essayer de retracer l'histoire de l'urbanisme aux alentours de tes grandes villes. Ensuite, il faudra dresser une galerie de portraits des principaux personnages que tu peux croiser au-delà du périphérique. On enchaînera sur une interview exclusive de Bernard Tapie qui viendra nous raconter son enfance en banlieue. Puis nous avons essayé de répondre aux questions que tu te poses encore sur les banlieues. Et enfin te raconter comment nos deux héros, Monique et Jean-Claude, se sont paumés en banlieue hier après-midi sur la route qui devait les conduire dans le royaume merveilleux d'un grand magasin de meubles suédois. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi sur la dalle en béton. Think, Aretha Franklin, tube de l'été 68, repris en 1980 pour le film des Blues Brothers. Think parce que, devant le zèle actuel de certains policiers, il est à craindre que si elle s'était baladée en banlieue, ben là-bas qu'Aretha Franklin pour un contrôle d'identité. Alors, 3 mois après les émeutes qui ont secoué les quartiers populaires aux périphéries de nos villes, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de consacrer une émission à la banlieue. Alors, tout d'abord, c'est quoi la banlieue ? Au Moyen-Âge, on distinguait le bourg, c'est-à-dire la ville, qui est aujourd'hui le centre-ville, puis l'extension du bourg, appelée les faubourgs, et enfin la banlieue. La banlieue, c'est le territoire situé à une lieue autour de la ville et qui dépend du ban, c'est-à-dire du pouvoir de cette ville. Aujourd'hui, dans une agglomération, la banlieue désigne le territoire constitué de communes en périphérie d'une grande ville. La banlieue fut longtemps constituée de petits villages ruraux, où quelques bourgeois étaient venus construire leur résidence secondaire. Mais avec la révolution industrielle et le développement du chemin de fer, la banlieue au 19e siècle se découvre d'autres fonctions. Des usines s'y implantent et les quartiers populaires se développent. Après l'instauration du congé hebdomadaire en 1906, la banlieue devient également un espace de fête et de loisirs. Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles. Du côté de Nogent. Ainsi, du côté de Nogent comme de Champigny-sur-Marne, les guinguettes se développent et font de la banlieue un espace récréatif. Mais la banlieue, c'est surtout un espace résidentiel qui absorbe l'exode rural, fruit de l'industrialisation. Le phénomène s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Pendant les Trente Glorieuses, il faut construire en masse des logements pour abriter une population en plein baby-boom. On fait alors le choix de bâtir de grands immeubles qui représentent l'avenir et, quand en 1952, Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction, inaugure à Marseille l'unité d'habitation grandeur conforme, réalisée par Le Corbusier, eh bien le lyrisme se mêle à l'urbanisme. On dit caserne, c'est beaucoup plus une chartreuse. Il n'y a pas de bruit, il n'y aura pas de bruit. Il y aura l'intimité des foyers totalement accordée aux habitants de cette cité. On a dit obscurité, ces appartements sont baignés de lumière et nous bâtissons pour que les hommes vivent mieux dans leurs cellules primitives, dans la famille, afin que le foyer soit abrité vraiment et profite enfin des joies essentielles qui sont le soleil, l'espace, la verdure. Nous voulons ramener la nature au milieu de la cité. C'est la volonté des hommes de notre temps de ne pas accepter d'être enfermés toute la vie dans une muraille de pierre. Une muraille de pierre, c'est pourtant ce qui va être construit au Mirail comme à Montfermeil, à Sarcelles comme à La Courneuve. Oui, les années 60-70 voient apparaître des tours et des barres plus gigantesques les unes que les autres. C'est la grande période du béton armé, des structures métalliques et des gigantesques chantiers. Quand le bâtiment va, tout va, partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Quand le bâtiment va, tout va. Les Trente Glorieuses sont donc une période de plein emploi. L'économie et la société connaissent alors de profondes mutations et à une époque où beaucoup de logements n'ont pas encore de salle de bain et où la banlieue parisienne compte plusieurs bidonvilles, les tours et les grandes barres représentent le progrès et le confort. À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. La vue sur Paris au lointain pour des millions de banlieusards qui prennent chaque jour les transports en commun pour aller travailler à la grande ville. Mais dès les années 70, les grands ensembles aérés et lumineux au confort moderne commencent à se dégrader. Il apparaît rapidement que les promesses ne résistent pas au temps. Ce qui semblait merveilleux sur les plans d'architectes n'est pas aussi vivable qu'on le croyait. Le tout béton connaît ses dérives. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. Où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. Mais alors que de plus en plus de Français accèdent à la propriété avec un pavillon et un petit jardin, les grands ensembles sont laissés à une classe ouvrière paupérisée et à une population immigrée appelée en grand nombre pour participer à la croissance des Trente Glorieuses. Alors oui, les grands ensembles n'ont plus la cote, comme à la Duchère en octobre 2003. Signe des temps est presque comme une cérémonie. La destruction partielle ce matin d'une barre HLM à Lyon. Un gros boom, mais un grand vide pour certains riverains un peu nostalgiques. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, ignition. Midi 12, une partie de la barre des 200 s'effondre. Une part du passé du quartier disparaît. Autour du chantier et dans le stade de la Duchère, les riverains sont massés. 1200 personnes ont d'ailleurs été évacuées ce matin. Soulagement, bien sûr, de voir l'opération se dérouler normalement et applaudissements, mais parfois regret. Si l'on accepte plutôt bien la démolition de cette première barre dite des 200, qui devenait vétuste et qui accumulait autour d'elle des problèmes de délinquance, on se pose des questions sur l'autre barre, celle des 260, une autre barre dont la destruction est programmée pour début 2005. À la Duchère à Lyon, Claude Cordier, France Inter. Les bars posent aujourd'hui problème et les grands ensembles sont marqués par la ségrégation, par un fort taux de chômage et souvent traités avec mépris ou condescendance. Alors de Vaux-en-Velin en 1981 à Clichy-sous-Bois en novembre dernier, face à la violence sociale, la violence urbaine devient malheureusement un mode d'expression. En route pour l'aventure. Pour devenir des héros, ta, ta, ta. C'est une expédition. Eh oui, la violence comme forme d'expression est inefficace et inadaptée à la démocratie, mais elle reflète un mal-être incontestable. Quand une société oublie la justice sociale, il ne faut pas s'étonner que les plus fragiles de ses membres oublient la justice tout court. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être né dans le Missouri ou à Oklahoma City. Je suis pas né dans le Missouri, je suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Sergi. C'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, Sergi. Serre-moi une mélodie, façon nostalgie, nostalgie. La ciudad où j'ai grandi, je l'aime autant que je l'ai maudit. Même s'ils ont repeint les murs de la gare en gris, ils ont rasé le quartier de la Croix-Petite. Garçon, resserre-moi une mélodie. Fleur de bitume, papy sans lit. Les embrouilles un peu tombées. Les petites combines pour tuer l'ennui. Le tete en duty-free. Malheureusement, la chenouf aussi, mais bon. Faut plus que ça pour pourrir le tableau. Les années pentos, oublie à mes potos. Winner, loser, taffeur, chômeur et tapeur. Mes chers potos sont tous dans mon cœur. Aux six grands plats, j'ai déboulé. J'ai troqué les champs, les poulets, les vaches salées. Pour la vie au champ, les vigiles et les poulets. Les pots d'échappement, ouais, c'est sans regret. J'suis pas né dans le Missouri. J'suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Sergi. Sergi, mon petit paradis. Ma suite, banlieue pourrie. Dans le coin, c'est l'Oise qui coule la mi. Pas le Danube. Sergi, chanson interprétée par Anis sur son album intitulé « La chance ». Comme quoi, tu peux naître à Cergy et avoir de la chance. Alors, dans notre belle aventure au-delà du périph', après avoir survolé l'histoire de l'urbanisme en banlieue, il est temps maintenant d'essayer de dresser une galerie de portraits des personnages improbables que tu peux croiser lorsque tu explores les banlieues. Oui, voyons cela ensemble, qui sont réellement les banlieusards ? Pour commencer, faut-il le rappeler, la banlieue est immense. Elle s'étend sur un espace très vaste. Parfois, il s'agit même pour certains d'entre nous d'une terre inconnue, tel un nouveau continent qu'il faudrait explorer. Et pourtant, il ne s'agit nullement d'un espace désert, bien au contraire, des millions de personnes vivent en banlieue. Et d'ailleurs, la sociologie des banlieusards est elle aussi très éclatée. Cela dit, il existe tout de même quelques stéréotypes des personnages incontournables qui créent justement la spécificité des banlieues. Et en premier lieu, bien sûr, tu trouves le jeune, celui qui s'ennuie, qui rôde le soir et qui fait peur aux vieilles, des mecs très dangereux dans des quartiers difficiles. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto. Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry, Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut, en flûte, crotte. Chier. Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Oui, les pires sauvageons sont à l'ouest de Paris. Alors, si tu poursuis ton chemin vers l'ouest, un peu plus loin, dans une banlieue tout aussi cossue et bourgeoise, mais un peu plus champêtre, tu peux croiser notre deuxième personnage, la rombière des Yvelines, qui, elle aussi, parfois, peut s'énerver. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Oui, il fait toujours beau chez Ma Maggie. Cela dit, son personnel de maison ne vit pas dans les mêmes quartiers. Tous les matins, la femme de ménage marocaine, notre troisième personnage, doit se taper 1h15 de RER pour venir repasser les chemises de Monsieur Georges. Oui, pour les prolétaires, le ciel de banlieue a une autre couleur. Elle crèche Cité Lénine, une banlieue ordinaire. Deux pièces et la cuisine, canapé, frigidaire. Préfère réhabiter Cité Mireille Mathieu. Au moins, elle sait qui c'est, puis c'est vrai que ça ferait mieux. Sur les cartes de visite qu'elle utilise jamais, ça mettrait du ciel bleu sur les quittances de gaz. Elle en parlera au syndic si elle a une occasion. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y a jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours gris, comme un mur d'usine, comme un graffiti. Alors, évidemment, même si la banlieue, pour certaines couches populaires, est toujours un peu morose, il arrive de temps en temps que, durant l'espace de quelques heures, leur vie soit un peu moins terne. Et cela grâce à notre quatrième personnage, le militant associatif, qui n'hésite pas à franchir la porte des foyers pour apporter soutien et réconfort. 11 à table chez les Domani. Hier soir, le président de la République et Madame Giscard d'Estaing ont donc dîné une nouvelle fois chez des Français. Le chef de l'État s'était fait inviter chez un chauffeur routier de voisin, le Bretonneux, dans les Yvelines. Monsieur et Madame Demagny, quatre de leurs enfants, les parents de Madame et un ami de la famille étaient là. Sur la table ovale, hier soir, dans le pavillon de voisin le Bretonneux, une nappe blanche, service de faïence à lisière bleue, verre en cristal et bouquet de jonquilles. Joël et Isabelle ont fait le service. On a peu parlé, semble-t-il, des difficultés de la profession de Monsieur Demagny, qui est chauffeur routier, je vous le rappelle. Et c'est l'hôtesse qui a raconté le repas à Gilbert Picard. L'atmosphère s'est très très détendue une fois que tout le monde a été autour de la table. Et alors, avec Madame Giscard d'Estaing, est-ce que vous avez parlé de mode? De quel sujet avez-vous abordé avec elle? Absolument pas de mode. Nous avons parlé de nos enfants respectifs et nous avons parlé même un peu jardinage. Madame Giscard d'Estaing s'intéresse au jardinage? Sans doute, un petit peu. Vous avez parlé aussi de la condition de la femme? Très peu. Cela dit, dans les quartiers populaires, les véritables militants associatifs, eux, n'hésitent pas à soulever les vrais problèmes comme ceux liés justement à la condition difficile de la femme en banlieue. Par ailleurs, parmi ces millions de banlieusards, bien entendu, les origines culturelles et géographiques sont nombreuses et variées. C'est ainsi qu'apparaît notre cinquième personnage de banlieue. Ce personnage, c'est le brassage ethnique qui s'exprime, lui, par le biais d'une culture urbaine très musclée. La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au débé. C'est une sinistère. Fais donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe. La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au débé. Eh oh, ça se reconnaît au débit, baby. C'est la génération funky taquini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est en écoutant ce genre de paroles que certains députés UMP ont déclaré il y a quelques semaines que les rappeurs étaient en partie responsables des révoltes en banlieue. On rêve. Mais bon, toujours est-il que pour lutter contre la misère sociale, nos élus nationaux ont surtout décidé de renforcer la présence en banlieue de notre sixième et ultime personnage, un type chevronné qui est toujours à l'affût. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Alors, à mi-parcours de cette émission, et pour compléter notre regard sur les banlieues, nous avons joint cette semaine au téléphone un ancien ministre de la ville, Bernard Tapie, dit Nanar. Pour commencer, nous lui avons demandé dans quelle banlieue vivait-il quand il était môme. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. Ah, je vivais dans la banlieue 93. Entre Le Bourget et la Courneuve. C'était comment ? C'était comment ? Oui. C'était la misère. C'est-à-dire pour vous donner une idée, ces blocs, ces HLM qui aujourd'hui sont tant décriés, c'était la rêve de tous nos parents. Tous nos parents à l'époque faisaient des demandes répétées pour essayer d'en obtenir un, ce que mes parents n'ont jamais pu obtenir. Parce que pour nous, ces appartements étaient confortable, il y avait salle de bain, toilette dans l'appartement, etc. Toutes choses dont on était privé. Et alors votre vie de quartier, c'était quoi ? Vous alliez faire du sport ? Vous aviez des copains ? Ah ouais, mais j'avais la chance d'habiter contre le stade municipal du Bourget. Et à ces époques-là, on passait notre temps dans la rue, puisque à l'intérieur, on ne pouvait pas y vivre. On habitait avec mon frère et mes parents dans, en gros, je crois que c'était 30 mètres ou 27 mètres carrés. Donc, on était dehors tout le temps. Donc, vous viviez toujours dehors, un peu comme les mômes de banlieue aujourd'hui. Mais dites-moi, Bernard Tapie, qu'est-ce qui a changé finalement avec la banlieue de votre adolescence ? Bon, la situation n'a plus rien à voir. À l'époque, les relations étaient très différentes, dans la mesure où on vivait surtout une société de plein emploi. Par conséquent, on ne connaissait que les problèmes de manque de moyens, mais il n'y avait pas ces problèmes liés à l'inactivité qui dégénère, comme vous le savez, en envie de délinquance, de révolte et de tout ce que l'on voit. À chaque fois que dans ces banlieues, on a procédé de la manière suivante, ce sont des lieux de passage prévus pour ceux qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Donc les premiers à les avoir quittés, c'était les ouvriers qualifiés, ceux qui avaient un bon boulot, qui au moment où ils pouvaient avoir accès à la propriété, ont quitté les appartements. Bon, ils ont été remplacés chaque fois par un peu plus bas. Autrement dit, au moment où la société s'est appauvrie, ces lieux-là ont été investis par les plus pauvres. Et chaque fois qu'il y en a un qui est un peu moins pauvre, il est remplacé par plus pauvre que lui. Ce qui fait qu'on finit par être dans un lieu de misère, à la fois économique, mais aussi psychologique, professionnel, sociologique, etc. Des lieux de misère, soit, mais certains arrivent tout de même à s'en sortir, comme Zidane ou Thierry Henry. Alors, comment expliquez-vous, Bernard Tapie, que ces icônes populaires, à part Lilian Thuram, ne prennent-ils pas plus la parole pour essayer de faire avancer les choses ? Parce que leur image et leur fonds de commerce comptent à leurs yeux plus que le problème des autres. Ah, vous pensez ça, oui, vraiment ? Ben, je ne le pense pas, je le sais. C'est un peu triste quand même, vous voyez, parce que c'est quand même des mecs qui viennent de là. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que les bons blancs français depuis toujours, et pas tellement envie de s'occuper de cela, puisque ceux qui en viennent, qui sont au premier chef concernés, ils se sont contentés d'utiliser leur fric pour sortir leur famille de ce lieu-là. Et puis après, à part Turin, tout le monde s'en fout. Malgré tout, vous voyez un avenir plutôt optimiste pour ces quartiers, pour ces banlieues ? Vous pensez que ça va être compliqué, en fait, c'est ça ? Oui. Non. Non, je ne le vois pas optimiste du tout. Parce qu'il n'y a aucun élément objectif qui permet d'être optimiste sur ce problème-là. Mmh. C'était tapis. And right now Babylon dep on me case. People in a shell, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart. Big City Life par le groupe Matafix, un sublime morceau de l'année passée. Big City Life parce que la vie dans les grandes villes, c'est le quotidien des trois quarts des Français aujourd'hui. Pourtant, la banlieue n'attire plus. Les derniers recensements ont montré que de moins en moins de gens vont y vivre. Le solde migratoire est négatif et si la population de banlieue augmente, c'est du fait de l'accroissement naturel, c'est-à-dire des naissances. Alors à 11h35, la panique au Morgin Palace a décidé de répondre aux critiques les plus fréquentes sur la banlieue afin que les Français retournent s'y installer dès demain, malgré les fantasmes véhiculés par certains. Analyse. Ça y est, c'est fini. J'habite plus dans ma cité de merde. Non, c'est devenu trop chaud. J'ai vu un reportage sur TF1. À ce qui paraît, dans ma cité, il y a des réseaux islamistes de drogue. Mais oula, le reportage, il était flippant, sérieusement. Le journaliste, il faisait flipper. Il avait une voix qui faisait peur. Il était caché derrière un petit buisson pendant tout le reportage, comme ça. Et dans cette cité anormalement calme, trois dangereux caïds rôdent. Ils sont obligés de commencer le reportage par cité anormalement calme, dangereux caïd, tout ça. Parce que s'ils commencent le reportage par dans cette cité où tout se passe bien, Trois jeunes joueurs à la marelle, les gens, ils en ont rien à foutre. Et passent sur Maïté direct. Et nous retrouvons nos trois dangereux caïds dans leur marche illicite et dangereuse. Ils se dirigent vers une cabine téléphonique, probablement pour la cambrioler. Tu rends compte? Ah non, ils téléphonent. Mais c'est certainement pour appeler de dangereux dealers qui leur livreront plusieurs kilos de drogue islamiste. Leur business leur rapporte par jour plus de 12 000 euros. Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur TF1. 12 000 euros par jour. Si c'était vrai, même Bernadette Chirac vendrait du shit. Là, c'est n'importe quoi. J'ai souvent entendu à la télévision, et après cette page de pub, encore plus de jeunes et encore plus de crimes. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de violence dans les cités non plus. Mais c'est beaucoup moins grave que ce qu'on raconte. Et d'abord, dans ma cité, les jeunes, ils sont pas violents du tout. Ils sont juste pas contents, c'est tout. Et quand ils sont pas contents, c'est vrai, ils mettent des coups de tête. Oui, mais c'est normal, oula, c'est logique, franchement. C'est logique parce que on n'arrête pas de leur faire des promesses qui sont jamais tenues aussi. Moi, je me rappelle, ça a commencé avec le petit Papa Noël quand j'étais petit. On lui a écrit 1 milliard de fois, il nous a jamais répondu. Jamais. C'est normal, quand on l'a croisé à Carrefour, on l'a défoncé. Bien sûr. C'est logique. Ainsi, d'aucuns critiquent la banlieue en disant qu'il n'y a aucune raison d'y vivre. Mais c'est faux. La première raison d'y vivre, en général, c'est que tu y es né. Ensuite, quand tu arrives de province, il n'y a qu'en banlieue que tu as trouvé le bout de terrain indispensable à ton potager. Enfin, parce qu'avec la naissance du petit dernier, il n'était plus possible de conserver ce superbe de pièce en plein centre-ville. La banlieue, pour des millions de Français, c'est le rêve de la propriété, du pavillon que l'on va enfin pouvoir construire. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ça serait de bonheur. Tout le monde chante encore. Oh oh. Enfin, le pavillon avec le jardin autour, ça se termine souvent comme ça. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8e, le HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8e, le HLM. Le HLM, bien sûr. Par ailleurs, certains esprits négatifs parleront aussi des problèmes de transport en banlieue. Ouais, y a toujours des grèves, de l'insécurité, tu peux pas rouler avec les embouteillages et patati et patata. Mais là encore, c'est faux. Il faut immédiatement clamer une vérité. On trouve tous les moyens de transport en banlieue. Les voitures, bien sûr, mais aussi les péniches et les avions qui passent au-dessus des têtes. Ça amuse toujours les enfants. Et bien entendu, les trains. En un mot, le bonheur, si je veux. Mon petit train de banlieue s'en va dès le matin, emportant tout heureux du bonheur des refrains. Et quand arrive la belle saison, il va bien fier à travers le gazon. Derrière les carreaux, on peut apercevoir des dames en chapeau contemplant leur miroir. Et dans le fond, recroquevillé, un vieux monsieur fait des mots croisés. Moi, je l'aime bien, mon vieux petit train. Mais oui, on les aime bien, nos petits trains de banlieue. Certains esprits méfiants vont ensuite, bien évidemment, parler de l'insécurité. La banlieue, c'est dangereux. Alors oui, c'est sûr, il y a peut-être parfois des vols, mais pas plus qu'ailleurs, et toujours des broutilles. Si je tenais l'enfant gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. Déjà que j'avais pas grand-chose dans ma petite vie pas toujours rose, dans mon petit pavillon de banlieue, oublié des hommes et de Dieu. Entre ma petite femme et mon chien, j'avais que la télé et puis rien. À peine un petit carré de pelouse, 1m23 sur 1m12, où il trônait comme un pacha, mon petit simplet qui n'est plus là. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Avec la BAC, la police en voie de militarisation, Tout se passe pour le mieux. D'ailleurs, une des craintes exprimées par les anti-banlieues, c'est le regroupement des jeunes dans le hall des immeubles qui semble aujourd'hui faire beaucoup plus peur que la précarité sociale institutionnalisée. Là encore, une contre-vérité. Les rues dans les banlieues, elles sont cool. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font des magasins, et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, c'est une pub pour Benetton, et tout le monde écoute les mêmes sons à fond, mangeur de cachère ou de saucisson. Dans ma rue, je suis posé, je marche tranquille dans la ville, j'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime. La banlieue, décidément, on l'aime. Pour terminer, certains mauvais esprits ruraux ou de centre-ville disent que la banlieue, c'est tous les désagréments de la ville réunis sans les avantages de la campagne. Mais non, pas du tout. La banlieue, c'est merveilleux. Toutes les maisons de banlieue ont un air de famille, avec un petit perron, une allée de gravier, une cabane à outils, avec un toit de charmille, et puis aussi des fleurs que le vent fait danser. Banlieue, c'est un paradis que Dieu a mis sur terre. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Mais oui, la banlieue, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, non, soyons justes, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est loin d'être aussi pire que certains se plaisent à le dire. La banlieue, on lui colle facilement tous les défauts. Oui, bon, j'avais tous les défauts. Menteur comme un dentiste, bien comme il faut. Dribbleur comme Chiffaut, un plus grossier. Très tôt, je voulais pas bosser. Et comme Pinocchio, mais sans la fée. J'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà la radime, voilà. Oui, bon, j'étais comme un canto. Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands. Faire le cowboy avec des balles à blanc. Ramasser beaucoup d'oseille et blanc. À 10 ans, j'étais dur à cuire, hein. Je voulais passer mon permis de conduire, hein, à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà. Me disait, ne fais pas l'inculte. Dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau. Et va savoir pourquoi sous le préau, c'est l'adulte que t'es sans chapeau. À 10 ans j'étais farouche. Il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime. Je le jure sur la tête de cime. Je le jure sur la tête de cime. Voilà. Voilà la radim, chante le groupe Zebda en 1998 sur un album intitulé Essence ordinaire, parce que malheureusement pour les quartiers en difficulté, un avenir sans plomb, c'est encore trop rare. Alors sur la route de notre voyage au cœur des banlieues, après avoir tenté de répondre aux grandes questions que tu te posais encore sur les banlieues, il est temps maintenant à 11h44 de retrouver nos deux lascars, les périurbains Monique et Jean-Claude, qui ont dû hier après-midi engager un dialogue social avec certains jeunes de la cité des 4000 au nord de Paris. Voilà plusieurs semaines que Monique et Jean-Claude ne cessent de se répéter qu'il faudrait enfin qu'ils changent de literie. C'est ainsi qu'hier après-midi, ils se sont décidés à prendre leur voiture pour aller acheter un nouveau lit dans un grand magasin de meubles suédois en banlieue parisienne. Très vite, Monique constate que Jean-Claude est contrarié. Certes, il conduit, mais elle le connaît bien, il a l'air mélancolique. Monique l'interroge. Et Jean-Claude décide de lui faire part de son tracas. Non, son ancien lit, il ne veut pas s'en séparer. Avec son vieux matelas râpé et son sommier un peu usé, il n'a jamais fait des envieux, mon pieu. Moi, j'y dormais toutes les nuits C'était banal, mais c'est ainsi que je me retrouvais au milieu de mon pieu. L'été, on lui faisait prendre l'air, tu sais, à cause de la poussière. Il y en avait plein, la literie. Ouais, Jean-Claude, il aggrave les boules de se séparer de son pieu. Mais Monique lui dit que ce n'est plus possible, il faut une nouvelle literie. Jean-Claude se fait une raison et roule donc vers la zone commerciale. Cela dit, la circulation est très encombrée en direction de la banlieue nord. Jean-Claude veut en savoir un peu plus et allume son autoradio pour faire un point route sur FIP. Trêve de balivernes. Il n'y a aucune chance que la circulation se fluidifie au pont de Saint-Cloud vers la banlieue. Vous auriez bien besoin de moi pour vous faire le bouche-à-bouche sous le tunnel de Saint-Cloud où vous vous asphyxiez lentement. Déjà un mort. Jean-Claude, ça l'exaspère, ces embouteillages. Et en plus, il sent très bien que cette fille à la radio se fout de lui. Il décide alors de quitter l'autoroute A1 pour emprunter un raccourci que, soi-disant, il connaît, lui, ce grand banlieusard. Monique ne bronche pas, elle sait que ça vaut mieux. Mais au bout de quelques kilomètres, Jean-Claude s'aperçoit qu'il s'est paumé, foutu banlieue. Nos deux compères se retrouvent alors dans une cité sinistrée, la cité des 4000. En réalité, au milieu des barres de béton et des terrains vagues, ils ne sont pas très rassurés. Oui, ils ont franchement la trouille et tentent alors d'imaginer qu'ils sont ailleurs. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. C'est à ce moment-là que la voiture se met à tout sauter. Problème de batterie. La bagnole s'immobilise et une bande de jeunes en capuche se met à courir vers leur voiture. Et oui, dans le quartier, c'est la seule animation de la journée. Jean-Claude veut absolument calmer le jeu, il imagine déjà sa caisse en train de flamber, mais où sont les flics ? Acculé, Jean-Claude entreprend de discuter avec le plus grand d'entre eux. Mais l'affaire s'annonce compliquée. Bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller. Partir bifurqué, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. En effet, Jean-Claude et Monique n'ont pas du tout l'intention de s'attarder. Ils vont tenter, fissa, de redémarrer leur voiture. Quand, tout à coup, l'un des mômes, celui qui porte un bonnet siglé 9-3, semble curieusement reconnaître Jean-Claude. Ouais ? Ouais. Mais je te reconnais, toi ? Non, je te connais pas, non. Mais si, je te reconnais ta gueule, toi, tu vis ton âge, toi ! Non, j'ai pas dit, non. Mais chier, tu devines ton âge, toi, je reconnais ta gueule, tu devines ton âge, toi. T'arrêtes ou quoi, toi? Je te dis que je sais pas, tu devines ta gueule. Mais chier, tu devines ton âge, toi, je reconnais ta gueule, tu devines ton âge, toi. Hé, arrête, toi. Je vais te détruire, moi. Non, tu vas pas me détruire, toi. Je dis que je sais pas, tu devines ta gueule. J'ai pas de vie de tailleuse, moi. J'suis pas pédé, moi. Oh là là là là là, ça y est, ça dérape. Jean-Claude a imité François Bayrou et a collé une grosse tarte au môme qui, soi-disant, le reconnaissait. Oui, pour Jean-Claude, la solution à toute cette dérive de violence n'est qu'une question d'autorité rétablie. Monique, elle, est furaxe. Elle ne comprend pas ce geste de violence envers un adolescent un peu paumé. Monique, qui est une femme idéaliste, elle s'approche du môme en question et tente calmement de le consoler. C'est alors que la petite amie du môme en question dit à Monique ce qu'elle en pense. Laisse. Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Mais meuf, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes se ruiner chez H&M. Laisse-moi qui fais la vibe avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi qui fais. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec La situation de nos deux compères ne semble pas s'arranger. Jean-Claude tente alors de désamorcer la crise. Il reconnaît qu'il s'est emporté et souhaite renouer le dialogue avec cette jeunesse de banlieue. Il demande aux ados tout simplement pourquoi sont-ils déjà autant désabusés alors qu'ils sont si jeunes. Le plus grand d'entre eux fixe à nouveau Jean-Claude droit dans les yeux et lui répond. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Jean-Claude comprend alors pour la première fois que le problème des banlieues difficiles est avant tout social, qu'un bon coup de Karcher ne servirait à rien, et qu'en réalité aujourd'hui, ces mômes n'ont aucun avenir, puisqu'ils n'ont pas de boulot. Jean-Claude est dépité par sa prise de conscience. Il lève les bras au ciel et au milieu du terrain vague s'adresse à la banlieue tout entière. Les banlieues, ta grisaille nous inspire. Monique, elle, n'en croit pas ses oreilles. Les mômes sont éberlués qu'un lascar semble pour une fois les comprendre. Et pour fêter ça, les ados proposent de rouler un pétard. Mais Jean-Claude, lui, préférerait qu'on lui change sa batterie de voiture. Pas de problème, les mômes ont un stock à la cave. Monique reste scotchée par le numéro de Jean-Claude. Ils vont pouvoir reprendre la route tranquillement. Et au moment de partir, dans un élan d'euphorie, Monique leur adresse un ultime message, comme une promesse. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Et douane. Sur la route de banlieue qui les conduit désormais vers ce fabuleux magasin de meubles suédois, Jean-Claude réfléchit et se dit que la banlieue, c'est pas si dangereux. Fin de l'histoire. Toutefois, Monique elle aussi réfléchit et se dit qu'en réalité, dans cette banlieue anonyme, malheureusement rien n'est à toi et surtout, tu ne vaux pas un seul centime. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vends pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en talis d'autorité. Voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé. On vous aidera 20 ans. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, quand t'arrivera le jour de l'addition, lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi. Il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non. Il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens. Société Anonyme chante en 1966 Eddie Mitchell parce que dans les banlieues des grandes villes, au milieu de la masse, il serait bon que les CV n'aient pas besoin d'être anonymes pour trouver du boulot. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre excursion dans les banlieues de nos grandes villes, des bars de Sarcelles aux villas de Saint-Cloud, du RER à la BAC, de Maggie au Vésinet à Monique aux 4000, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif de ce que peuvent être tes banlieues. Alors, c'est quoi la banlieue ? Eh bien, c'est l'ensemble des communes autour d'une ville-centre. La banlieue, c'est difficilement cernable. Si on sait où elle commence, il est difficile de savoir où elle se termine. En fait, la banlieue doit se définir selon les individus. La banlieue est plurielle, des quartiers les plus riches aux espaces les plus pauvres. Les Français vivent en grande majorité dans les agglomérations et surtout en banlieue. C'est là que l'on trouve sans doute la plus forte concentration de difficultés économiques et sociales. Alors parfois, et c'est regrettable, ça explose comme en novembre dernier. Mais bon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Depuis le tout début des années 70, régulièrement, la situation dégénère. Et à chaque fois, la solution adoptée, sans doute plus que la répression, c'est très simple, on ne fait rien et on attend que ça passe. Il y a des soirs où la banlieue s'annonce dans ces quartiers ignorés de Paname, où la tristesse accompagne l'oubli, où la jeunesse a droit d'avoir une âme, la solitude a besoin d'un ami. Il y a des jours où les jeunes qui s'ennuient peuvent tout casser au nom de vérité, dont la meilleure est sans doute leur vie, dans un destin qu'ils n'ont pas mérité. Alors, pour élargir maintenant notre réflexion sur les banlieues, la panique au Mangin Palace a tenté d'imaginer comment pourraient évoluer les banlieues dans le futur. On peut imaginer, sans trop se tromper, que la politique répressive va sans doute se poursuivre. On peut par exemple penser que l'interdiction du regroupement des jeunes dans les immeubles s'appliquera aussi bientôt aux vieux, ce qui risque d'être très mal perçu dans les clubs de bridge versaillais. Peut-être qu'alors les vieux de Neuilly décideront, face à cette injustice, de s'allier à leurs potes d'Argenteuil pour des opérations coup de poing contre la police. Mais il faudra faire attention. Aujourd'hui, avec le CPE, on peut licencier sans motif. Alors pourquoi ne pas imaginer que dans quelques années, la justice pourra elle aussi condamner sans motif à la tronche du client ? Eh oui, tout semble possible pour les banlieues dans le futur. On ne sait jamais. Vu comme la société avance, va savoir. Dans quelques années, on aura peut-être même la nostalgie des banlieues d'aujourd'hui. Ma banlieue, a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin, il y a des coins où chaque dimanche on se délasse. Ma banlieue, grâce à toi tous les ennuis s'effacent. On devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue. Ma banlieue magnifiée par Reda Kerr en 1937. Voilà, fin du 23e épisode. C'était C'est quoi la banlieue ? Revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux. Merci à lui. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui d'Arnaud Caillé et de Jean-Claude Barré, merci à eux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi. Pour les Scud, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA et à Catherine Pinto, notre très efficace stagiaire. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.